On a déjà un bon panorama. Moi, j'ai relevé pas mal de choses qui sont un petit peu apparues. Il y a deux points importants en écoutant un petit peu tout le monde qui me sont apparus. La première chose, c'est qu'on a quand même une dichotomie qui s'est formée dans les expériences, de ce qu'on a pu entendre, entre l'expérience physique de découvrir un espace scientifique. Je pense à des outils, à des expositions, je pense à des choses. Qui implique que le visite, enfin qui implique qu'il y a un visiteur, enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas, hein, qu'il y a un visiteur qui découvre un espace et que cet espace contienne des informations scientifiques, donc une médiation qui va de pair avec la médiation humaine, voilà. Et puis un autre type de médiation qui va être plutôt dématérialisée, donc en ligne, via les blogs, via les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'on c'est déjà peut-être une piste, alors c'est soumis à discussion, hein, mais comme il faut rentrer dans le sujet, ça peut être une porte de se dire déjà on est peut-être sur des logiques un peu différentes quand il s'agit de faire une médiation à un visiteur et quand il s'agit de faire la médiation à un public d'internaute. Donc peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, moi je voudrais, j'ai entendu donc. Alors, si on ouvre la première porte, qui est la porte des expositions et des lieux d'accueil du public, j'ai entendu quelques expériences. Est-ce que on pourrait avoir un petit peu de détails pour ces expériences? Et donc, par rapport aux outils de médiation qui ont pu être mis en place, moi, je voudrais demander, voilà, pourquoi enfin, quels outils ont été mis en place et pour quelles raisons? Alors, j'avance déjà pas mal, mais j'ai entendu donc on a parlé d'une exposition sur l'Union soviétique. Il y a eu l'archéologie, il y en a une autre de ce côté-ci. Voilà le CNRS, labo CNRS, médiation avec exposition. Donc, est-ce que par rapport déjà pour rentrer sur cette porte-là, donc lieu d'exposition, est-ce que, voilà, on pourrait avoir un peu plus de détails, peut-être vous pouvez. Comment ça a été mis en place, pour quelles raisons, quels outils et pourquoi? Est-ce que vous pouvez peut-être. Dans notre projet, dès le début, on s'est posé la question, on faisait cette collecte au moment où l'Europe s'élargissait à l'Est, et donc, une série d'événements médiatiques, politiques, montraient qu'en Europe occidentale, on n'avait aucune idée de ce qui s'était vraiment passé dans la partie orientale de celle qui est aujourd'hui l'Europe. C'est plus l'autre Europe vraiment, maintenant c'est l'Europe. Et donc, dès le début, on a pensé que comprendre mieux ce qui avait été le voisin soviétique pour ces pays aurait peut-être aidé à une création d'une histoire commune européenne, d'une mémoire européenne commune. Donc, dès le début du projet, même quand le corpus n'existait pas encore, c'était en 2004-2005, on a commencé à discuter parmi les chercheurs du centre de s'interroger comment faire quelque chose qui allait au-delà de nos recherches historiques sur cette question. Depuis des années, les archives papier du Goulag étaient ouvertes, on travaillait sur ces archives, mais on se disait comment rejoindre le plus possible un public large pour communiquer, raconter cette histoire de la répression soviétique sur toute cette partie de l'Europe et pourquoi en fait, et expliquer aussi pourquoi aujourd'hui il y a ce rapport aux Russes, c'est parfois difficilement compréhensible. Et donc dès le début on avait eu cette idée très vague d'un musée virtuel, au début on le mettait comme ça, on ne savait pas le même mot. C'est virtuel. Donc dès le début, quand on a déposé le projet Corpus, on a parlé de ce musée. On s'est rapidement rendu compte en allant sur Internet, en regardant les choses, que par exemple, graphiquement, il fallait faire un vrai effort et voilà, mettre ça, ça coûte quand même de l'argent, c'est pour ça que les designers aident, parce que c'est vrai que par exemple, on a exclu. Les carnets de recherche cette forme plus papier. Ça, dès le début, on s'est dit que ça devait être très visuel. Et que, puisqu'on est on parlait de témoins, et que la personne, les visages devaient être vraiment très immédiatement sur le site, on devait être capté par des gens. Donc c'est, alors, je vous coupe, mais donc on est sur un musée virtuel. Oui. Alors, c'était virtuel, c'est-à-dire en ligne ? En ligne. D'accord. Donc, comment ? Alors, virtuel en ligne, c'est-à-dire que c'est des salles. Ouais. Donc, l'idée, c'était le plus possible, donc, que ça soit le moins possible texte, mm-hmm. parce que lire sur Internet, c'est quand même assez pénible. Donc, de mettre le plus possible de son, de vidéo, parce que nous, quand on a accueilli ce corpus, on l'a accueilli du point de vue oral, donc on a enregistré, on a fait des vidéos, on a énormément scanné des photos de ces gens, et donc on avait beaucoup de matériel qui se prêtait à un musée virtuel, naturellement. Et donc, il n'y a pas que... Et donc, c'est des salles, voilà, c'est un musée. Alors, dans ce sens, c'est un musée classique, c'est fait par salle. On rentre, on peut choisir par différentes entrées, on rentre dans ces salles où sont des salles ou biographiques, donc témoins, où on a des sons, des morceaux de vidéo, des photos des témoins, ou des salles thématiques, c'est-à-dire des moments du récit qui sont communs à plusieurs témoins. Donc, par exemple, la fin, et donc on explique ce que ça a été la fin dans le goulag soviétique, et puis il y a toute une série de sons de personnes différentes qui racontent comment ils ont vécu le mal. Ça, et donc, alors, question pratique, est-ce que c'est quel est le. Comment on accède? Quel est l'URL alors, l'accès est. Bah, comment je veux aller consulter le musée virtuel là? Vous avez une adresse? Oui, qui est quoi? Qui est goulagmemories.eu. D'accord. D'accord. Vous le voyez, ou goulag, mémoire européenne du goulag. Si vous tapez sur Google. Mémoire européenne du goulag. Vous avez l'accueil, vous voyez, voilà. On a une connexion, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est... j'ai pas de connexion. On a choisi EU, justement, ouais. Pour avoir cette adresse européenne. D'accord. Et alors, dans le process de création de ce musée virtuel, est-ce que... donc, quelles ont été les étapes et comment ont été faits les choix, en fait, de mise en place, à la fois technique, vous avez parlé de graphisme, donc, voilà, donc l'importance du visuel, donc faire quelque chose qui marque le visiteur. Comment ça a été étagé dans le temps, comment ça s'est mis en place? Enfin, assez rapidement. Rapidement, bien sûr, mais qu'on puisse échanger. Ça, c'était l'objet d'un autre atelier, hein. La première difficulté, c'est faire comprendre à des chercheurs qu'il faut aussi d'autres corps de métier. Ça, c'est quand même... Alors, ça, c'est important, d'accord. Et que ça ne suffit pas un développeur, bon, ça, de nombre de... Mais bon, d'accord. Donc, la première chose, on a nous essayé, puisque tous ceux qui avaient fait les entretiens, d'essayer de voilà, je vais faire une charte, de se dire comment on voulait le musée, quel type de salle, comment... qu'est-ce qu'on voulait mettre dans les salles. On a fait donc d'abord entre chercheurs un projet, on a été voir les graphistes et les développeurs et on s'est réunis plusieurs fois avec eux pour en arriver à quelque chose qui nous convenait. Avec des entrées, naturellement, nous on avait le problème aussi comment entrer, donc des entrées thématiques, oui. Cartographiques et chronologique, voilà. D'accord. Parce que bon, on va choisir un témoin seulement par son beau visage. Il faut choisir quelqu'un qui a été arrêté en Pologne, dans cette date, quand il est rentré. Voilà. Donc, toutes ces questions aussi d'entrée dans le musée. Et puis, on a procédé à un moment, on a pu vu les graphiques, quand la charte graphique on a commencé à travailler avec le développeur qui a fait une base global assez facile parce qu'aucun de nous était très pratique numérique, donc il a fallu quand même faire une base facile. Je ne dirais pas tout ce qu'il y a, par contre, à côté, il y a tout le travail de la base de données, ouais. Et tout ça. Mais ça. Est-ce que c'est vous ensuite, qui avez le développement de cette base, et ensuite les chercheurs qui font les salles. Qui ont rempli d'informations, qui ont rempli les cartes. Voilà, donc ça veut dire d'abord faire les extraits sons, écrire les biographies. Ça, c'est une base très facile dans laquelle nous, on monte, on met les photos, on met les sons, les extraits vidéo. Bon, à côté, il y a des gens qui nous aident avec les vidéos et tout, mais normalement, oui, l'idée, c'était celle où nous, on puisse justement, le problème de la pérennisation Parce qu'après, le développeur, toute une série de personnes disparaissent, surtout si on a un peu d'argent pour les payer, et alors que les chercheurs... Alors, est-ce qu'on peut peut-être avoir une idée du retour au niveau de la visibilité donc sur Internet, les statistiques voilà. Alors, nous, on a un système, je ne sais pas comment il s'appelle, de voix des... Alors, oui. Naturellement, on a... Pardon, mais on voit, dès qu'on organise un événement autour de ce musée, alors où, parce que bon, il y a 2 ans, en 2011, on a présenté ici dans l'amphithéâtre de l'HSS, la sortie du musée. Bon, notre partenaire média était RFI, naturellement, ça facilite quand même les choses. Et donc, il y a quand même des visites constantes. L'autre, j'ai oublié de dire que le site est en 4 langues, en français, en anglais, en russe, qui est la langue de la déportation, et en polonais, qui est le groupe le plus important européen réprimé. Et donc, voilà, on a des indications un peu partout où il y a des... Ça dépend. Mais un peu partout, il est vu, il est regardé. Et naturellement, autour de ces événements, la présentation du musée, à un moment, on a sorti un livre, chez Autrement, on a fait des présentations, il y a eu de nouveau... S'il y a des émissions radio, on remarque que naturellement, c'est pour ça qu'on se pose aussi ces questions de pérennisation. Parce que c'est sûr qu'il faudrait continuer à organiser autour, où on invite des témoins, on fait des journées autour, des journées d'études, mais avec des témoins qui viennent raconter. Et là, naturellement, par musée et tout, et plus facilement, on a des. Mais sinon, c'est assez constant. Et puis, on est sur les idoles. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que, par rapport à cette thématique musée virtuel, donc, est-ce qu'il y a. Je parlais de musée physique tout à l'heure, mais c'est pas grave. Du coup, on est parti sur Internet. Est-ce que peut-être d'autres expériences ou d'autres présences sur le net? J'ai une question par rapport à la diffusion de ce musée dans l'arche publique. Est-ce que justement vous êtes allé sur le réseau? Ça va être très fort. Non, parce que comment vous avez aussi peut-être des familles de ces gens-là qui ne savent même pas que ce truc-là existe et qui sont de l'autre côté du continent. Et tout ça, c'est ces outils-là qui va permettre peut-être de... Oui, non, on l'a pas encore, non. C'est des résistances, ça bouge. Ça, tu peux demander. Bon, on a été pas mal, nous, dans tous ces pays, avec les instituts français, les alliances françaises, présenter le projet, et même dans les institutions. Mais c'est toujours... Bon, on a eu pas mal de jours d'articles sur les journaux en Ukraine, en Russie, en Pologne, mais c'est pas la même chose. Vous avez tout à fait raison, ben, ici aussi pour retourner dans mon labo, pour réinsister sur certaines pratiques, avoir un peu. Oui. Est-ce que vous avez un outil statistique qui vous permet de savoir qui fréquente, d'où, les pages les plus fréquentées? Oui, je le connais mal, c'est plutôt mon directeur de labo, mais oui, c'est ça qui nous permet un peu de voir ces pics. Voilà, mais je ne sais pas trop vous en dire. Mais est-ce que, parce que c'est vrai qu'il y a le projet, etc., et qu'après il y a tout le suivi du projet, et est-ce que justement cet outil, est-ce que déjà vous avez le temps de traiter les renseignements que ça vous apporte, et comment ça vous permet éventuellement de modifier des choses, et qu'est-ce que on a surtout aussi tout un système dont on peut recevoir des mails avec des gens qui... Théoriquement, on avait aussi fait une salle, mais... Ça marche moyennement, où les gens pouvaient proposer aussi. Voilà, on a reçu quand même des mails en disant, mais moi j'ai toute une archive de mon grand-père, est-ce que ça vous intéresse? Et alors quand c'est possible, c'est pas au fin fond de la Sibérie, même si on a des chercheurs qui vont régulièrement, mais voilà, on essaye de se mettre en contact avec ces gens. On a quand même continué en France à faire des entretiens, parce qu'il y a quand même des gens qui sont arrivés en France. Et donc voilà, il y a tout un... permet, mais naturellement, bon, comme sont les années, on est de moins en moins, et donc c'est un souci quand même, faire vivre et animer tout ça. Et en termes de moyens, juste, vous avez combien de... quels sont les moyens pour faire vivre, justement? Est-ce qu'il y a des étudiants ou des... Ouais, on est essentiellement 4 qui continuent à faire les salles, animer et tout, et puis, oui, on a des étudiants qu'on paye quand même pour nous aider, par exemple, à faire les extraits vidéo, travailler sur on crée toutes les choses pour un maître. Donc on le fait nous-mêmes, mais on se fait aider pour faire les extraits vidéo, mettre les expressions, mais ça je préfère qu'on le fasse nous. Mais... D'accord. Ou par exemple, faire les photos, parce que nous, quand on les scanne, elles sont petites comme ça, il faut quand même faire tout un travail derrière pour pouvoir les mettre sur Internet. Et voilà, ça, on a des. Mais c'est sûr que les moyens se réduisent d'année en année. C'est une petite remarque, parce qu'on parle beaucoup de public, mais on n'a pas trop défini ce qu'est le public. Un des gros problèmes du musée physique, ça a été très longtemps comment on amène les gens au musée, avec le problème des différentes catégories sociales. Ça reste quand même, quand on dit voir, on peut parler, encore aujourd'hui, malgré les efforts de démocratisation. Et sur Internet, pour moi, c'est un peu la même question. C'est-à-dire que moi, le rôle que je fais de médiateur, c'est justement pour faire du lien, c'est le principe de la médiation. Et donc c'est pour ça que je disais que la dimension humaine est assez importante, parce que c'est ce qui va permettre de relier un public avec un contenu. Il ne suffit pas juste de mettre le public devant le contenu pour que celui-ci se l'approprie. Et c'est un peu sur le musée virtuel, c'est pour le temps, parce que ça permet quand même une diffusion de l'art, mais c'est un peu, j'ai l'impression, un problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui sont intéressés par la question de l'interaction numérique. Et ça n'amène pas plus de médiation le fait juste de numériser. Sinon, tout le monde lirait les articles sur le ligne, tout le monde. Donc il y a quand même. Je pense que c'est la deuxième réflexion que je me suis faite tout à l'heure en écoutant un petit peu tout le monde, c'est cette différence entre la communication et la médiation. Mettre un contenu scientifique en ligne, c'est de la communication. La médiation, elle va beaucoup plus loin. Et c'est vrai que là-dessus. Les outils, voilà, comment les outils peuvent intégrer cette démarche-là. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus ou pas encore? Sur Internet, non. Mais sur peut-être sur des choses peut-être qui soient dans un lieu. Sur les lieux, oui, mais c'est ce que je disais, c'est sur la dimension. Alors moi je suis pour faire bref, j'ai fait de la visite d'expo classique, mais j'ai aussi amené des contenus dans des endroits où les contenus n'arrivent pas forcément. Donc on est pas sans. En banlieue dite difficile, en prison, pour différents publics. Et à partir du moment où il y a la démarche d'amener, la réception est bien plus grande que sur les expériences où les gens viennent. Il y a la dimension où on vient dans le lieu physique, donc c'est magnifique, ça apporte quelque chose, ça peut sortir d'un quotidien qui est différent, ça c'est sûr. Mais après, là où vraiment l'information passe, c'est quand on l'amène plus que quand les gens viennent. Ça, c'est mon expérience. Et du coup, Internet, c'est un double tranchant parce que ça part dans deux sens. Mais j'ai jamais vu un contenu en ligne qui intègre cette dimension-là de la médiation humaine. C'est complètement paradoxal, mais en même temps. Comment faire ouais, c'est vrai que. Et la question du public est très différente. Si on s'adresse, moi, je m'adresse à des adultes en prison, qui n'ont évidemment pas le même langage que si je m'adresse à des collégiens. Donc ça, c'est pareil, sur Internet, on a un contenu assez fixe, à part si on crée des différentes catégories d'âge, alors pour les 3-6 qui est là, et 18-15. Enfin, voilà, c'est aussi ces questions-là. Donc, le grand public, ça ne veut rien dire. Enfin, je suis un peu extrémiste. Oui, tout à fait, c'est une question de lieu. Mais par exemple, on pourrait commencer à... Enfin, je lance un exemple d'outil, là. Pour ce type de médiation avec des vrais gens, c'est par exemple avoir un support type iPad ou tablette qui permettent de montrer des choses ou de sensibiliser la thème de sujet par la manipulation d'un objet comme ça. Et on a pas mal d'exemples quand même sur les tablettes d'applications, de choses qui sont très très didactiques et qui peuvent être utilisées aussi par quelqu'un dans le cadre. Est-ce que c'est. Par exemple, est-ce que c'est un type d'outil qui pourrait. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Est-ce que c'est un outil qui vous semblerait. Il y a quand même. Je pense au centre Erasme à Lyon, par exemple, qui est fait. Près de Lyon, qui a fait une expérience l'année dernière, je trouve vraiment intéressante, sur l'idée d'un médiateur qui aura un iPad. et le médiateur a son iPad dans les mains, et quand les visiteurs arrivent, en fonction de la discussion qui se développe avec le visiteur, le médiateur va pouvoir déclencher un type de contenu audiovisuel à partir de l'iPad. Donc il y a une espèce de table de mixage, comme ça il y a une table de mixage, et il peut comme ça sélectionner tel type de contenu, balancer une vidéo, balancer une photo, balancer un jeu, et c'est vraiment en fonction de la discussion qui va s'engager avec le visiteur. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Parce qu'on réagit aussi beaucoup dans la médiation en fonction de ce que les gens disent. Et donc quand le contenu est fixe, finalement on passe peut-être aussi à côté de beaucoup de transmissions. Mais ça, ça reprend l'idée, alors c'est toujours le médiateur qui se déplace, on n'est plus à domicile en fait. C'est pas un exemple de médiation où les gens sont derrière leur écran. Ouais. Mais ça, effectivement, oui, dans un monde idéal, avec des budgets, parce qu'après, il faut que... Déjà, la médiation, c'est considéré comme le parent pauvre de... Enfin, c'est une sorte de truc, il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Enfin, voilà, c'est très... c'est presque populiste, maintenant, un peu plus lourd, de faire de la médiation. Donc, équipé avec un iPad de médiateur culturel, je pense que j'aimerais beaucoup... Il m'a semblé qu'on esquissait une dichotomie entre communication scientifique sur Internet via des articles et médiation via des espaces physiques. Je pense que tout le monde ici ne reconnaît pas cette dichotomie. Enfin, la médiation sur Internet, ça existe heureusement, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, donc je voulais intervenir. Par exemple, le site dont je m'occupe depuis 2008, la BibNum, Bibliothèque numérique d'histoire des sciences, on prend un texte d'histoire de Fermat, de Planck, et on le fait commenter par un scientifique actuel qui explique qu'est-ce que c'est que ce texte et son actualité. Donc voilà, typiquement le genre de médiation sur Internet. Et je pense qu'on peut, tout autour de la table, avoir de nombreux exemples. Enfin, je veux dire, et vous parliez des réactions du public sur un blog, vous avez des réactions du public aussi. Alors, ça ne vous fait pas forcément changer votre contenu, quoi que ça arrive. Moi, j'ai été mis en cause dans des commentaires de blog, donc ça m'a. Je rétroacte sur mon contenu, donc pour qu'il soit, disons, plus. Qui s'adapte aux commentaires. Donc voilà, je veux dire, dans l'espace virtuel, se passent des choses de médiation et de réaction du public tout aussi vivantes et virulentes que dans l'espace physique, me semble-t-il. Est-ce que c'est pas le pire sur Internet que... Oui, sans doute, il y a une retenue dans l'espace physique qu'il n'y a pas forcément sur Internet. Je pense qu'un très bon exemple de ces choses-là, c'est justement ce qui se fait à la BNF autour de la bibliothèque du quelqu'un, puisqu'il y a un compte Twitter et un compte Facebook qui regroupe plusieurs milliers, peut-être une dizaine de milliers de personnes maintenant, et où justement ils étaient partis d'un problème vraiment stratégique de fond qui était on numérise plein de documents pour dire on met la culture à disposition de tous, mais on se rend compte très rapidement que des livres du 17e sur la théologie protestante ça intéresse personne. Et donc, il faut faire de la médiation pour réussir à intéresser certaines personnes et toucher ce grand public, et avec un choix qui a vraiment été fait de ne pas se prendre au sérieux et de véritablement interagir avec le public de manière directe, c'est-à-dire que les tweets ne sont pas sur « Oh là là, c'est un très beau livre, la théologie, c'est très intéressant », mais sur y a une date... anniversaire, on fait un lien entre une photo qui représente, je sais pas, une personne en train de courir avec une femme et des DSK qui a des problèmes. On joue vraiment sur ce que représentent les choses sans les prendre pour des documents en tant qu'eux-mêmes, et ça fonctionne très très bien. Et en particulier sur Facebook, ils créent ce qu'ils appellent l'énigme du vendredi, où il y a toujours des petits jeux interactifs où il faut reconnaître le portrait de telle personne, savoir où a été prise telle photo, etc. Et ça, il y a plusieurs dizaines de personnes qui réagissent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi aux médiateurs finalement de disparaître au bout d'un certain temps, où on voit qu'il y a des habitués qui reviennent très périodiquement et qui se mettent à discuter entre eux. Et donc le médiateur est finalement là pour faire naître des discussions autour de la BNF, de Gallica, de ses collections. Une fois que c'est pris, il va presque partir. Et c'est cette discussion qui continue à nourrir au sein des lecteurs. En termes de moyens, alors si on continue un peu d'essayer d'évaluer ces différents outils, en termes de moyens, en termes de ressources, qu'est-ce que ça mobilise? Il y a 5 personnes, ouais, je crois, qui ne sont pas à plein temps. Ça fait que, en tout et pour tout, ça doit faire quelque chose comme un équivalent temps plein. Ils tournent en fait, il y a 5 personnes et ils alternent, chacun s'occupe à la fois de Facebook et de Gallica pendant toute une semaine. Après, évidemment, les autres leur apportent des idées, des choses comme ça. Mais du coup, chacun est responsable de son énigme du vendredi par semaine. Ils ont chacun une réserve d'idées, de tweets, de choses comme ça qui sont mis de côté pour les périodes d'imagination difficiles. Mais ils ont tous à côté, à la base, leur médiation par les réseaux sociaux n'était pas dans leur fiche de poste. Maintenant, je crois que c'est le cas. Parce que ça leur prend quand même énormément de temps. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces 5 personnes se connaissent très bien et ont vraiment discuté d'une politique. Ce qui fait que, extérieurement, même quand on connaît personnellement ces 5 personnes, on est incapable de dire qui s'occupe de Twitter ce jour précis. Il y a une espèce d'alchimie entre les 5 qui fait que ça permet de parler d'une voix. D'accord. Oui, si je peux faire une remarque un peu trollesque. Je m'interroge sur à quel point la médiation peut problématiser certains des acquis de la culture actuelle. J'ai peur que trop souvent on se concentre beaucoup sur les gimmicks, que ce soit le réseau social cool ce jour-ci, la tablette cool cette année, et qu'on oublie de voir comment refaire toutes les entités même un musée ou alors la culture universitaire, à quel point on peut inviter les utilisateurs non pas tout simplement à venir au musée, mais à interagir avec les œuvres, parce qu'il y a toujours cet interdit de ne pas toucher. Alors la question, évidemment, si on adopte plutôt une posture open source, c'est qu'il faut toucher. Il faut toucher à la Joconde, il faut la redessiner, vraiment travailler sur le tableau. Et ceci est un interdit. Et pour revenir à l'exemple d'Alexandre sur les articles scientifiques, trop souvent, nos articles scientifiques sont tout simplement balancés en ligne des répositoires, par les à 11h30, mais il n'y a pas de véritable interaction ni avec l'auteur, ni avec le résultat de l'auteur. La posture de blogueur, bon, évidemment, comme Olivier de ce côté, et d'autres, est non pas seulement de confronter des discours différents, mais de faire en sorte que l'article scientifique évolue grâce au retour des autres. Et donc voilà. Mais est-ce que ça n'implique pas que, du coup, le lecteur ou l'internaute, quand même, il ait des prérequis scientifiques? Parce que pour discuter un article Pas forcément. L'exemple d'une expérience qui était la mienne et celle d'une personne avec qui j'ai travaillé l'année dernière, c'était à un certain moment une étude sur un phénomène de violence civile en Angleterre, donc c'était les émeutes de Londres. À ce moment-là, avoir le retour des acteurs de terrain qui réinterrogeaient complètement notre manière d'interpréter le phénomène, là, on n'avait pas besoin d'acquis scientifiques pour pouvoir interagir. Au contraire, il y avait vraiment un intérêt à entendre ces voix-là et voir comment ils réinterprétaient ce qu'on avait dit. Mais à quel point, et c'est ça ma question pour vous, à quel point on met en place, quand on crée un musée virtuel, quand on crée n'importe quelle activité de médiation, on anticipe et on encourage ce type de bidouillage de l'utilisateur, des utilisateurs. Si je peux appuyer, c'est vraiment la question de l'appropriation, et c'est ça qui, selon moi, anoblit la médiation. La médiation, c'est pas juste de la distribution de contenu, c'est vraiment permettre à l'autre de s'approprier, donc forcément favoriser le bidouillage. Et ça, pour l'outil Internet, effectivement, c'est ça qui est génial. Et on parlait hier des natifs qui n'utilisent que Facebook, soit, mais ils sont dans la capacité aussi d'utiliser, de bidouiller. Donc, je pense que c'est effectivement une très bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des expériences parmi vous sur justement participatives ou qui appelaient aux contributions du public et quelles questions ça soulève? Parce que hier on a beaucoup entendu parler justement du rôle de l'institution qui parfois peut aussi refuser ou avoir des difficultés pour laisser les portes s'ouvrir. Est-ce que c'est des discussions que vous avez pu avoir ou des expériences que vous avez pu mener? Voilà, entre peut-être la volonté des chercheurs, des scientifiques, et puis peut-être leurs institutions pour ouvrir vers le public. Comment ça marche? Moi, je vais dire, nous, on a eu un peu un mouvement inverse. On a été poussés à ça. Donc, on faisait partie d'un projet européen. On a rassemblé beaucoup de contenu sur la ville de Tunis. On devait faire une plateforme pour les chercheurs, tout ça. Donc, ça s'est pas fait et comme on avait tout ce contenu, on a décidé de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un livre imprimé. Et voilà, donc on a fait un livre, tout ce qu'il y a de plus classique, on présentait des articles sur donc, la ville, la ville 19e, 20e, on présentait des immeubles. Et donc on a publié ce livre et c'est à la suite de ça qu'on a décidé de faire une exposition aussi très classique. De photos et en fait donc comme c'est un contenu, enfin notre ouvrage en même temps il y avait des articles de chercheurs, mais voilà, on présentait tous ces immeubles, donc il y a pas mal de gens qui l'ont acheté, donc avaient vécu à Tunis et à la suite de ça on a reçu pas mal de mails de gens ayant consulté l'ouvrage et nous disant pour tel immeuble moi je connais telle information, enfin. Et donc ouais. Tous ces gens nous voilà, alors que on l'avait pas demandé, enfin on n'avait pas pensé qu'on aurait ces retours et on en a eu pas mal. Et du coup notre idée ça serait de reprendre tout ça, de faire une édition électronique en ajoutant ces contenus et en faisant en sorte que voilà, que ça continue, que d'autres gens nous apportent d'autres informations complémentaires. Alors évidemment, comme on n'a pas trop de moyens, enfin voilà, mais ce que j'ai trouvé intéressant là par rapport à ce qu'on disait, c'est que, il y a eu comme, voilà, on avait été très classique, on avait balancé notre livre, on n'avait pas cherché... quoi que ce soit, et les gens ils sont venus, alors il y a un côté très affectif et donc les gens avaient des mails assez en même temps contents et en même temps pas contents qu'on ait oublié ci ou ça ou qu'on ne sache pas ou, mais voilà, enfin on a eu l'impression qu'ils venaient vers nous quoi, et donc voilà, après on ne sait pas trop comment continuer ça puisque et dans quel sens j'ai fait la médiation, parce qu'on a plus l'impression que voilà que on était encore voilà dans une posture où notre idée de départ voilà c'était gentiment on allait partager avec ceux qui savaient pas tout ce que nous on avait accumulé, et puis au final voilà il y a des gens qui sont venus combler les lacunes. C'est un exemple. Est-ce que par rapport à cette réflexion que vous pouvez envisager, vous parlez d'une édition électronique, donc quelque chose qui sera en ligne, j'imagine, qui permettrait aux gens de réagir. Vous allez travailler à la mise en place de cet outil? C'est vrai qu'on a plein de soucis puisque donc on a fait ça avec le livre papier et avec un éditeur tout classique. Donc cet éditeur m'a dit que ça ne les intéressait pas du tout tout ce qui était numérique. D'accord. Mais donc ça pose des problèmes de droit, j'imagine. Voilà, de... donc on a tous les problèmes. Mais bon, pff, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, il y a les problèmes de droit. Enfin, moi, je me suis dit, puis je me dis, bon, souvent, est-ce que c'est pas un faux problème? C'est juste que nous, ça nous oblige à repenser tout. Ouais, ouais. Voilà, parce qu'après, on s'était dit, est-ce qu'on fait un... début, on... évidemment, on part en PDF, puisque là, on pourra rien faire. Enfin, comment on repense tout ça, quoi? Parce que ça va plus être linéaire comme on l'a fait, donc ça, intellectuellement, ça nous oblige à... Alors, il y a des exemples de livres contributifs, justement, sur la médiation minassanienne, par exemple, aux États-Unis. Donc, elle a fait un ouvrage sur... je mets les liens dans le typepad, hein, je ne sais pas si vous... L'exemple dont je parlais tout à l'heure, là, du Centre Eras, je l'ai mis en lien, donc celui-ci, je le mettrai aussi. Donc, qui a fait un... Bah, toi, tu peux m'aimer, peut-être, qui réfléchit sur le musée 2.0. Mmh. Et donc, elle a fait un livre. L'idée, c'était tout simplement que ce soit un ouvrage contributif. Alors, ça date un petit peu, hein, c'était 2007, 2006. Mmh. Avec le principe, c'était ouvert. Donc, c'est un livre qui bouge tout le temps. Qui évolue tout le temps. Et donc Lamina Simone, elle est aux États-Unis et elle travaille son objectif, c'est vraiment le participatif, recueillir un maximum toutes les contributions et d'être dans cette dynamique d'accompagner les musées à justement les musées et les institutions culturelles pour recueillir les contributions. Je mettrai le lien, enfin je vais mettre le lien. Ça embraye sur la gestion des contributions, embraye sur le difficile problème de la modération. Qui peut être moins qui est toujours problématique. Est-ce que alors tout à l'heure vous parliez d'un exemple de la médiation avec les blogs, etc. Est-ce que vous avez dû éditer des règles de modération? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est la jungle totale, tout le monde dit ce qu'il veut et éditer des règles, non, je pense dans un blog, alors pour le coup je trouve que ça serait malvenu. Enfin, dans un blog personnel, un blog institutionnel peut-être, enfin un blog personnel, ça serait malvenu d'instaurer des règles. Oui, il y a certains commentaires, on se demande si on doit les supprimer ou pas. Moi j'ai pour principe, je laisse, tant qu'ils ne sont pas... mais ce que je remarque aussi, c'est dans les blogs de science, là je parle de science dure, Biblum, par exemple, c'est rarement commenté au sens où... c'est pas toujours facile sur des données de mathématiques et de physique d'avoir... on dirait que l'internaute est intimidé, en quelque sorte. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a un peu une réaction de où c'est difficile de susciter le retour. Alors, du coup, on peut faire, par exemple, autour de Bibnum, on a fait le carnet de recherche, justement, autour de Bibnum, où là, on essaye de lancer des discussions sur chacun des textes. Donc, mais dans l'espace réservé... Bibnum, commentaires, on n'en a pratiquement aucun. En revanche, dans notre blog hypothèse.org, bibnum.hypothèse.org, on a quelques commentaires sur les différents textes. Donc, Est-ce que sur la problématique des participations, il y a d'autres expériences ou des bonnes pratiques, entre guillemets, même si... j'ai appris hier que c'était pas une bonne piste d'envisager des bonnes pratiques. We already progressed a lot in our discussion, but let's get back to one point. Why do we do that? So what is your motivation about, or why do you do mediation, and what is it that you want to achieve actually in the end? And coming from my institution, we are, as I say in English, a bit in a pickle. So we're in a difficult situation because on the one hand, we want to develop further in terms of scientific research. So we want to provide resources for researchers. But at the same time, we have key performance indicators which ask us, okay, so how many people actually go to your site? And how many people use your site? And so on and so forth. And the more we develop in terms of in the direction of research, It's about European integration studies, which is a very small part of the humanities in general and a very small part of history in there as well. So we won't be able to reach a really, really broad audience if we just provide scientific services in here. And so for us, it's a difficult situation. We have the requirements of the people who fund us, who give us some money, and but they are not really clear. They are contradicting in some extent. Is it for you the same, or do you have a clear mission to address the public, or about addressing more scientific community? Il y a aussi un problème, je pense qu'on a tous, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont réticents à mettre en ligne toutes leurs données. Il y a nous en plus, on a les musiciens qui ont joué, qui n'ont pas les droits écrits sur le papier. Et puis, notre objectif aussi, c'est de récolter des informations sur les pays d'origine où ont été faits les enregistrements, où on espère avoir une contribution pour un enrichissement des données. Donc il y a une espèce, on espère un donnant-donnant, enfin quelque chose qui motive les gens d'enrichir leur patrimoine, enfin ce qui est archivé chez nous. Mais on se rend compte qu'il y a aussi une certaine timidité pareil à laisser des traces, à laisser son. Dans la possibilité de mettre des annotations dans les enregistrements sonores, dans le temps des enregistrements sonores. Et on se rend compte que bon, il y a certains chercheurs très motivés qui vont mettre plein d'informations, qui vont contextualiser leurs enregistrements. On n'a qu'un an d'existence, mais pour l'instant, c'est un petit peu timide de contribuer, parce que quand on contribue, on met une annotation. Le nom de l'auteur figure dans le document, donc est-ce que c'est ça qui fait office de modération, je ne sais pas, mais du coup bon. Mais est-ce que dans la question qui est, enfin la question d'obtenir un objectif précis, est-ce que c'est parce que ce qui était intéressant avec l'exemple de la BNF par exemple et des énigmes, de ce qui est, on a l'impression que ça a pris parce que naturellement les choses, ça a un peu monté. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que l'objectif était clairement formalisé? On va entretenir une communauté et avec en utilisant des ressorts ludiques, d'énigmes, de susciter l'intérêt, etc. Est-ce que les objectifs sont bien formalisés ou bien est-ce qu'on est dans des cas d'expérience, en fait, d'expérimenter ces médias en essayant de voir ce qui se passe. Est-ce que... Je crois que c'est un petit peu les deux, mais quand on se rend compte sur ces médias, que de toute façon, si on fait de la communication, justement, pas de la médiation, mais de la communication très institutionnelle, comme fait d'autres que Twitter, peut-être de la BNF, ça ne marche pas. Les gens ne suivent pas un fil automatique. C'est par exemple ce qu'avait expliqué, que, y compris le monde.fr, avait embauché une personne pour tweeter de manière humaine, parce que rien qu'avoir un humain par derrière et qui parle, ça marche mieux. Quoi. En tant que maison d'édition publique, il y a quelques années, l'objectif de toucher le public plus large n'était pas dit, en fait. C'était d'abord publier des ouvrages des chercheurs que finalement les maisons d'édition privées ne publiaient pas. Donc il fallait d'abord toucher la communauté des chercheurs, puis ensuite est venu très vite quand même l'enjeu de visibilité auquel est confronté quand même de plus en plus d'institutions. Et donc c'est sur cet enjeu de visibilité qu'on a réfléchi à la notion de médiation, de valorisation et de comment communiquer autour de ces actions de valorisation. D'où les programmations événementielles, les recherches de partenariats. Après, je pense que tous les livres ne peuvent pas toucher un public plus large que la communauté scientifique. Et qu'il faut donc très clairement identifier qu'est-ce qui concerne tel public ou pas. Ce qui, quand même, du coup, est un travail compliqué d'identification et de mise en réseau, et de collecte d'adresses, etc. Alors, le numérique là-dessus, pour le moment, nous, on l'utilise pour valoriser ce qui a touché un grand public. Donc les débats dans les bibliothèques, la presse dans la grande, enfin les articles dans la grande presse, etc. Je pense qu'il faut beaucoup de moyens en fait pour que justement on puisse avoir des comptes tweet pour communiquer sur du contenu, etc. C'est effectivement cet objectif que, enfin cette question là de mais est-ce que ça rentre dans notre mission, soulève plein de questions. et notamment aussi comment utiliser les auteurs-chercheurs pour que, qui sont eux-mêmes dans plein de réseaux, donc ils mettent au service d'une maison d'édition alors qu'ils publient aussi dans d'autres maisons d'édition. Voilà, c'est... Puis il y a un besoin de répondre aussi à une demande de l'ANR qui maintenant dans les projets mettent un volet valorisation, diffusion d'informations retombées sur la société qui est assez fort, et donc nous on nous contacte, on dit comment vous faites, est-ce que vous pouvez participer, on a besoin d'un outil de diffusion et il y a ce besoin de répondre à une demande institutionnelle hein, aussi et puis de rendre accessible des choses qui ont besoin d'être sous forme numérique pour être consultées. En tout cas, c'est comme ça. Compliqué aussi, je pense. Donc, il y a besoin d'outils pour déjà que les chercheurs puissent accéder, consulter, annoter. Il n'y a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Et ensuite, il y a toutes les demandes de l'extérieur et puis l'étranger qui veulent avoir accès à ces choses-là. Donc, on répond d'abord à une demande et puis après, on essaie d'améliorer l'ergonomie, le côté visuel. Mais là, on n'est pas... On ne sait pas faire. Enfin, moi, je découvre petit à petit les choses, mais... Alors, il est 10h48, donc là, on rentre dans la problématique... donc là, on a rencontré les publics, on a rencontré les questions de visibilité, de valoriser la recherche. Et là, donc la question des compétences. Alors, il y a 10 minutes, donc peut-être dernière question, en tout cas ouverture, c'est par rapport à ces différents types d'outils hein, qui sont aussi variés, comment quelles compétences mobiliser, où les trouver, comment les articuler à un projet qui s'inscrit dans la recherche avec les contraintes qu'on a évoquées. Quelles sont vos expériences par rapport à ça sur des compétences qui sont nécessaires, absolument nécessaires pour créer un outil de médiation où les trouver, quelles sont-elles, comment les identifier, quelles sont vos expériences par rapport à ça? En ce qui concerne Gallica, en fait à la base les deux personnes qui étaient à l'origine de la chose maîtrisaient bien les Twitter et Facebook en l'occurrence. Et donc à la base, les deux personnes qui ont commencé Gallica, Twitter et Facebook étaient des personnes qui maîtrisaient déjà bien les outils. Et en fait, au fur et à mesure que le groupe s'est étoffé, ils se sont mis à rechercher. Leur objectif était de trouver des gens qui connaissaient bien les fonds pour pouvoir. Connaissaient bien Gallica et ce qu'il y avait dans les fonds de la BNF et dans les fonds de Gallica pour pouvoir les mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Et la situation s'est trouvée telle que, certes, les personnes qui ont intégré le groupe Gallica connaissaient bien les fonds, puisqu'il y a des gens des estampes, puis il y a des gens des départements thématiques, mais ils sont tous relativement jeunes. Et je trouve que leur compétence est avant tout de bien s'adapter au réseau et de bien comprendre comment ça marche. Et c'est en partie, je pense, que ce qui a fait le succès de cette entreprise, presque avant que de connaître les fonds, en fait. Eux, ils maîtrisent bien Gallica, ils savent comment ça marche, ils savent bien chercher dedans, et ils savent évidemment de manière institutionnelle ce qui rentre. Mais je trouve que ce qui a apporté réellement le plus, c'est pas tant qu'ils avaient une connaissance scientifique, entre guillemets, des fonds qui étaient intégrés et à mettre en valeur, qu'une connaissance de l'outil en soi. Donc il y a une double compétence là, clairement, scientifique, au niveau des contenus et puis au niveau de l'outil en soi. C'est un luxe, hein. C'est pas évident à trouver. Peut-être d'autres exemples par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu par exemple des besoins pour le type de création de ce type d'outils, des besoins de formation, des besoins formation et puis effectivement d'identification de correspondants ou de soutien en interne si on manque de moyens. Donc à la fois sur la connaissance du fond, de ceux qui sont déjà sur Twitter ou Facebook, Et puis, voilà, c'est effectivement cette double compétence. But maybe, you know, that camp is also something about trying out things. And I've been listening to your arguments in there. And maybe I try to really prepare a map that we can discuss in a second. Okay? Just don't worry about, I'll be here. I'm drawing something and it's something we can talk about. Peut-être, point de vue des compétences, il me vient à l'esprit aussi quelque chose que moi j'ai dû développer, une compétence en recherche d'iconographie et en recherche de droit. Donc ça, c'est des choses auxquelles je n'étais pas forcément habitué et qui... c'est toujours pas mal des textes, de les agrémenter par des images. D'ailleurs, c'est un problème qu'on a sur Wikipédia aussi, d'ailleurs. Mais toute médiation scientifique, numérique, il faut des images. Et rechercher les droits, enfin bon, rechercher les bonnes images adaptées au texte et rechercher les droits me paraît une compétence qui n'est pas forcément dans nos environnements, quoi. Oui. On parle compétence, là, donc. Mais est-ce que les outils, on parle Facebook et Twitter, est-ce que le jour où ça n'existera pas, comment... Ben, là, pour l'instant, on parle de ça, mais... Oui, c'est vrai que c'est la grande question. Et puis, ces derniers jours, on a vu un peu les dérapages. Donc, c'est la question de l'interopérabilité, en fait. C'est-à-dire, comment, quand on développe un outil sur... un contenu sur un outil particulier, on va pouvoir le faire évoluer sur d'autres outils. Si on développe des choses sur Facebook, comment on fait pour, par exemple, pour récupérer les contributions des utilisateurs, comment on les réintègre, est-ce qu'on peut aller sur un autre support, par exemple, on pourrait imaginer contribution des utilisateurs sur Facebook sur votre thématique on a parlé tout à l'heure. Et puis, peut-être transformer ça, par exemple, en outil, une collection, je ne sais pas, sur un écran, quelque part, un espace d'exposition, qu'on consulte peut-être toutes les propositions qui ont été faites. Ça pourrait être une façon de recycler et de voilà. Après, je ne sais pas s'il faut absolument vouloir recycler certains contenus. Enfin, les albums Facebook, ouais. De toute façon, ils les gardent par ailleurs, ouais. Parce qu'il y a toujours la question du statut des données qu'on met sur Facebook. Mais je pense que ce qui fait le succès beaucoup de cette médiation, c'est qu'elle s'adapte parfaitement à l'outil et à la manière dont est fait l'outil, en fait. Mais je pense que toute la création des hashtags des Gallica sur Twitter, c'est parce que... Ils se sont adaptés à Twitter, en fait, je pense. Et quand il y aura un autre outil, quand Facebook et Twitter seront passés, je pense qu'il faudra s'adapter à cet outil-là aussi. Et que c'est ça qui rend peut-être un peu la médiation difficile, c'est qu'il faut peut-être accepter que c'est pas, qu'il faut adapter ce sur quoi on va faire la médiation à l'outil de médiation. En fait. Et c'est ça aussi qui rend les choses difficiles. Il y a un autre souci, un jour, l'édition, on fait un peu ce travail de médiation, quand on prend un texte d'un chercheur et qu'on le retravaille, qu'on travaille avec lui pour que ce soit bien lisible, vraiment, qu'on peut en plus l'éditer, c'est un temps assez long, qui est trop long pour tout ce qui est sur Internet. Sur Internet, toutes ces histoires de blogs, toutes ces histoires on va être extrêmement réactif. Donc, le temps que nous, on publie un livre, à la limite, ça va déjà plus loin. Donc, tous ces ouvrages-là, une fois que, on peut toujours faire un livre papier, mais on va de plus en plus vers des contenus qui sont libre accès, où il y aura une réactivité, mais le travail éditorial à faire au départ, c'est le même. Et donc, on ne sera jamais. Moi, je crois qu'il y a. Le contenu d'une recherche, c'est long à travailler, quoi. C'est pas. Je crois que tous ces outils s'adaptent à. C'est pas toujours adapté à toutes les formes de recherche. Mm-hmm. Donc, parce que là, on parlait de comment rendre une recherche, la donnée, comment dire, la rendre accessible à un grand public, mm-hmm. C'était ça l'idée. Et donc, c'est pas que par ces comptes. Là, c'est en fait, on parle de deux choses. L'une, c'est la recherche elle-même, et l'autre, c'est quand la recherche existe déjà et qu'on en parle. Mais elle est déjà dépassée, des fois. C'est peut-être dans les mondes à venir, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est le choix qui est fait de un un objet ou une image ou une chose particulière et à l'intérieur d'un corpus qui est monstrueux, est tellement énorme. Et c'est peut-être justement le point le plus stratégique, en fait. C'est comment faire ce choix-là. Quel objet choisir. Peut-être que la question de l'exhaustivité, de vouloir tout diviser, c'est pas possible. Mais à l'intérieur d'une recherche qui est en cours, ou qui est terminée, ou qui est en discussion, peut-être un point, une chose qui peut toucher le grand public. C'est peut-être juste la qualité de ce point-là, ce choix-là, qui peut-être... Mais c'est vrai qu'il y a la question du décalage entre le temps de la recherche et le temps du média numérique. Ça, c'est la question la plus... C'est très drôle, parce que ça va pas assez vite. Just as a little conclusion here, and I hope I could draw better. But so we are somehow in this kind of science archipel. So there's a lot of communication between our little islands in here, and that's basically when we talk to other scientists in there. And there's this huge continent in here, and so we have this education land, which we know pretty well. So basically, we're very well connected, I guess, as a community in here to universities, we know schools, we address teachers, we give programs, we talk to them directly because we know how to talk to them. And over here there's the funding buddies, because it's basically the elephant in the room, because we somehow need to please them, otherwise the archipel will disappear. And then there's the general public. And one of the problems that I always found very, very difficult is to understand who are they. And so, like in the old maps, I wrote here be dragons. So we don't really know. Well, I think that's one big problem of our community also, to understand, okay, who is the general public and what are they interested in? Because it's a kind of uniform mass that we don't really know about to some extent. The other place that we talk about a lot is the social networks, and whereas we can invite people to come to our museums, to come out to our virtual libraries and so on and so forth, and they come there. These kind of social networks are a new, so to say, a new continent where we meet people. So we have to go there as a community in order to meet people. And that's something like, we get a lot of discussions in our institution as well, in order to, okay, shall we motivate our colleagues to go on these social networks and to work for us there, to talk to people, to engage them in what we do, or shall we appear as one institution? And that was a difficult question also about forcing people or not. And of course not forcing them. And so we have something like a different new countries in this new continent, and that we try to understand a little bit more. J'ajouterais, je sais pas, peut-être que tu l'as mis, l'espace physique. Mm. That's basically here, these places where people meet. So that's it. So we built up these museums, and we built up these little houses in there. D'accord. And it's the first start, okay? But I think here's also something interesting. That was something that you talked about when you create this kind of communities. So when you create communities where people can contribute, you build something where people can settle down. And so you build up something like a relationship that is lasting with them. And before, these islands were completely separated. But now, something else happens. So people take part in our institutions, in our communities. Just as an idea, okay? Oui, dans les réseaux sociaux, ce serait peut-être plutôt à Rémi Mathis de dire ça. Je suis étonné qu'on ne fasse pas figurer, par exemple, Wikipédia. Ce qui me fait penser, c'est quand vous dites on va inciter les chercheurs à aller sur Facebook, moi, je préférais en priorité inciter les chercheurs à aller sur Wikipédia, qui est un réseau social comme un autre, et d'améliorer les fiches qui sont... Enfin, je veux dire, on peut ne pas être obsédé par Facebook et Twitter. Il y a d'autres réseaux de diffusion de la... Enfin, il y a des réseaux de diffusion de la connaissance qui sont, on peut dire, des réseaux sociaux aussi. Enfin, et sinon, je voulais vous demander, on the science islands, did you build temples there? No, it's science is a temple. Ah, okay. It looks very much like a temple. I think it's not coincidence. On parlait de cartographie. Enfin, allez-y. Par rapport au choix d'être en tant qu'individu ou personnel, hein, qu'est-ce que vous avez choisi finalement? Parce que ça se pose pour nous aussi, pour mettre les vidéos par exemple, est-ce qu'on fait un compte YouTube, est-ce qu'on le met ou est-ce qu'on fait un... Well, we haven't decided yet. So we looked at there's a very interesting thing, the Tate social media strategy. And so Tate is a big museum. They have developed something like a social media strategy, which is very interesting because they encourage every member of the institution to say something. So to have a blog where they talk about their work, to post in social networks what they do in everyday life and what's interesting happening in there. And I thought that's very interesting, and they also give something like a code of conduct. So they say, okay, whenever you talk about us as an institution, you don't talk about internal things, you don't complain about internal activities, and you make sure that that there's always a good light upon us. And you know, it's a very very narrow road that you have to take. But I think it's good to give people some kind of guidelines, so that they can say, no, I stick to that. You know, but we haven't decided yet. We're reviewing it. We're looking into it. But I'm sitting. C'est la question des règles. Est-ce qu'on parle de la tête moderne ou de la tête traditionnelle? La tête galerie. Tu parles de la tête galerie, là, je suppose. Yeah. La tête moderne ou la tête traditionnelle? I think it was for the whole Tate. So for the whole body, for the whole organization. Parce que pour ce qui concerne l'art moderne, qui pose plein de complications particulières du fait des droits, sans en connaître les détails, je sais que le centre Pompidou est en train de développer, va mettre en ligne, pas très bien le calendrier, une stratégie numérique d'accompagnement du musée, très très axée sur les médias sociaux, et destinée à mettre la collection au cœur d'un réseau d'échanges sociaux avec les utilisateurs, et plus que les fans, vraiment les utilisateurs du centre. Et je ne connais pas très bien les détails, mais je pourrais mettre la référence du compte Twitter du type qui fait ça, enfin qui est au centre de cette équipe-là. Parce que manifestement, ils ont une réflexion intéressante sur ce qu'ils sont pas là, sur ce sujet. Ils ne sont pas là du tout dans les accords. One of the big problems that we... Et justement, ils doivent biaiser avec la difficulté de l'impossibilité générale, enfin presque générale, de représenter leurs œuvres sur le net, évidemment. That's the same thing that we have run into too. We have so many problems with the rights management. Like we produce a lot of material, like we produce interviews with people. We have participated in the European integration process. That's okay, that we have all the copyright. But for everything else that we license, there are so many problems. It's like that our hands are tied to use this material. We can only use it on the website, but if we want to post it in some social media network, and it's... The problem is not that it's okay that people have rights on the pictures because they made them, they have to distribute them, they need to get money for that, that's okay. But the problem is it's not transparent. It's very, very hard to say for... We had the problem, for example, that we wanted to have pictures and we wanted to recadre the pictures. And there is no general policy. So for every single picture that you get from an agency, you have to ask, okay, is it possible to do that? Can I do that? Can I not do that? Sometimes it's not written in the contract, so you have to write them an email and talk to them about that. And that makes things way more complicated than they actually need to be in certain ways. But that's also something you need to consider when you want to approach a social media strategy. Je voulais juste revenir sur un point, sur les compétences. Ça rejoint, je pense, les outils et puis un peu la carte aussi avec les différents mondes. C'est selon moi une compétence liée à l'usage du langage, parce qu'on parle de médiation. Enfin, tout est lié aussi au langage qu'on utilise. Alors forcément, si on fait une communication avec des chercheurs, on va utiliser notre langage propre de chercheur. Mais pour sortir de l'île et aller parler sur les différentes terres, il faut aussi avoir cette compétence, selon moi, de pouvoir adapter son langage sans pour autant appauvrir le contenu, mais adapter le langage aux différents mondes auxquels on s'adresse. Et ça rejoint l'outil, c'est-à-dire que être capable de maîtriser l'outil Facebook, Twitter, c'est un langage. C'est être capable de parler à la communauté qui utilise les mêmes codes de langage de Twitter, Facebook. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça peut marcher. Donc c'est rebondir exactement sur cette question-là, sur une autre question qui avait été posée sur l'articulation avec Wikipédia. Ça rejoint la question que je posais aussi tout à l'heure sur le langage et sur la manière dont on peut justement articuler un langage de chercheur avec le langage du grand public, dont on ne sait pas effectivement qui il est. Là, je voudrais faire un retour sur une expérimentation qui est en cours chez nous, qui est justement d'essayer d'aligner des vocabulaires scientifiques sur des données de DBpedia. Parce que justement, ça permet d'avoir des points d'entrée par le grand public et des relations, des articulations qui se mettent en place entre le vocabulaire de spécialité et le vocabulaire du grand public. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué pour le moment, mais il me semble qu'il y a peut-être des pistes intéressantes à creuser aussi sur cette forme de médiation entre les différents continents, justement. Donc, définir un langage commun. It just reminds me on there was one project that was called the Steve project. It was about tagging art, because in art history there's a very very special vocabulary which has developed in centuries basically to describe artworks, but this vocabulary is not really connected to anything that normal people or the general public use, and so they made something like a game or like an activity out of it for people to enter terms to describe pictures. And that was very successful in engaging people also. So a lot of people participated and gave new vocabularies to these pictures and tagged them. And that's something like also finding a common language, but also giving people something to do where they can work and help on. And the name? Steve Project. We put the link, I put the link on the pad. Donc, pour compléter donc cette carte des mondes, simplement et terminer, parce qu'il est 11h09, alors je ne sais pas quelles sont les règles et si on va être puni de déborder un petit peu. Donc, tout à l'heure, au début, on avait évoqué donc cette idée de cartographie et de mind mapping. Donc, je voudrais vous montrer. Alors, bon, je vais pas, il est tard, donc je ne vais pas brancher le vidéoprojecteur, mais simplement voilà, si ça intéresse certains d'entre vous. Donc par rapport aux éléments qu'on a échangés, donc voilà, alors vous êtes très, très loin évidemment, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Mais voilà, c'est cette idée hein, de poser un petit peu les termes de la discussion. Donc qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec la médiation. Donc j'ai un petit peu replacé les thèmes qu'on a évoqués, qui sont les publics, hein, la question de l'appropriation, la question des contributions, la question des compétences, en essayant de créer entre eux des liens et puis de voir quelle est la relation entre la médiation et la communication. Alors c'est un peu comme la carte des mondes, ça reste quelque chose de très, très généraliste, mais ça croise quand même pas mal ce qu'on a vu. Donc voilà, je mettrai l'adresse, donc c'est... bien sûr, ceux qui s'intéressent, je ferai des mots, etc., voir comment ça s'utilise. C'est un outil qui est ouvert, donc chacun peut ajouter sa case, tirer un lien, créer des flèches, et avec des codes couleurs pour, par exemple, identifier les outils, les exemples d'outils dont on a parlé, les exemples de bonnes pratiques, enfin, de projets donc, qu'on a évoqués, voilà, sous différentes couleurs. Donc, outil très simple, très convivial à utiliser. Bon, là, on est pris par le temps, mais c'est vrai que ça peut aider aussi à formaliser un peu hein, ce qu'on échange et avoir une espèce de vision comme ça, générale. Donc, merci à tous et donc on va s'arrêter. Yeah. Voilà. Okay. Merci. Thank you very much.